commence par le commencement. C'est sûr. Commencer tout de même à la fin avec un bruit, avec un coup de pistolet, je ne sais pas, comme ça. Avec un coup de sifflet, précisément, très bien. Ou bien avec les trois grands coups, ta ta ta, avec les 400 coups, etc. Et avec une voix, en criant très fort, avec un cri de douleur, de détresse, de joie. Et en étouffant un cri de stupeur, de surprise, comme qui dirait « eh, i », et avec des mots, avec ces mots pour commencer, avec ces sons, « allons » qui commence. Thank you.

Thank you.